Hey, Timal, à Wafford, par rapport pour Timal. Pourquoi les jeunes n'ont plus de respect aujourd'hui? Pourquoi? À cause de qui, frère? Moi, je dirais ça à cause de l'éducation. Hein. On les a délaissés, faut arrêter ça, frère. Faut les reprendre en main. Ils pètent trop les plombs, là, en ce moment, Timal. Ça part bon, frère. Ça part bon. Dans la vie, les jeunes n'ont plus de respect. C'est le constat que mon frère a fait. Ils prennent l'hypocrisie comme une MSP. C'est trop easy. Dans la vie, les jeunes n'ont plus de respect. C'est le constat que mon frère a fait. Ils prennent l'hypocrisie comme une MSP. C'est trop easy. On connaît tous le proverbe. Qui veut du respect se le procure. Tu en dis quoi quand je vois la tournure que prennent les choses? Ça devient out. Ils ne parlent qu'avec les armes. Ils se bloquent et ça masse sous les blocs. Ils veulent l'argent du beurre sans taffer. Pour rafler, ils sont la dalle et se moquent des conséquences. Ils veulent tout. Évoque le droit au monopole. Make money, make money. La rue est à nous, nous. Mais ils ont plus le temps. Ils disent tout ça c'est qu'ils vont. J'vous la provoque. Évoque le droit au monopole. Make money, make money. C'est vrai, la rue est à eux. Dans la vie, les jeunes n'ont plus de respect. C'est le constat qu'on ferait à fait. Ils prennent l'hypocrisie comme une MSP. C'est trop easy. Dans la vie, les jeunes n'ont plus de respect. C'est le constat qu'on ferait à fait. Ils prennent l'hypocrisie comme une MSP. C'est trop easy. Il manque d'éducation. Laissés à l'abandon, ils sont pointés du doigt. Ils sont là à les blâmer au lieu de les aider. Ils font tout à l'envers. Pourtant quand je regarde, je vois qu'il y a du potentiel. Mais il est mal exploité. On leur donne pas les moyens d'avancer. Mais c'est quand même l'avenir du pays. Il va me dire que les jeunes sont pas motivés. Mais ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Comprenez, ils ont besoin d'être tous encadrés. Arrêtez les préjugés, donnez-leur la main pour nous aller. Ensemble nous que nous que nous que aller. Nous agis pour payer la allée. Dans la vie, les jeunes n'ont plus de respect. C'est le constat qu'on ferait à fait. Ils prennent l'hypocrisie comme une MSP. C'est trop easy. Dans la vie, les jeunes n'ont plus de respect. C'est le constat qu'on ferait à fait. Ils prennent l'hypocrisie comme une MSP. C'est trop easy. Mais le pire de mal, c'est qu'ils ont envie de réussir dans la vie. Mais comment tu veux réussir dans la vie sans repère? Non, tu peux pas réussir dans la vie sans repère. Faut qu'on les aide là-dessus. C'est pour ça qu'ils ont encore plus la haine envers la société passive, voir qu'on les aide pas et qu'ils ont pas de repère, ça va pas. Dans la vie, les jeunes n'ont plus de respect. C'est le constat qu'on ferait à fait. Ils prennent l'hypocrisie comme une MSP. C'est trop easy. Dans la vie, les jeunes n'ont plus de respect. C'est le constat qu'on ferait à fait. Ils prennent l'hypocrisie comme une MSP. C'est trop easy. Plus de respect.